la toute première fois, c'était il y a 20 ans. Célébrez ces 20 heures de musique britannique avec moi, Michel Drolet, le jeudi 25 juillet dès 20h. Une émission spéciale de Mezzanine présentée seulement au 89.1. Bonsoir, bonsoir, chers amateurs de rock progressif. Bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au micro et au choix musical. Je vous présenterai, je partagerai avec vous mes coups de cœur récents, les albums que j'ai le plus écoutés. Oui, je fais signe à Bruno. C'est ça les albums. Une des nouveautés qui est vraiment intéressante, puis Michel vous en a déjà fait entendre deux extraits, c'est le groupe américain Moon Letters, leur premier album. C'est vraiment bon. C'est l'album Until they Feel the Sun. Et il y a un œuvre musical qui est original. Il y a beaucoup d'ambiances différentes. Puis c'est très dynamique. Puis ouais, il y a un vent de fraîcheur, franchement, un côté super intéressant à découvrir. Donc Moon Letters, on aura une courte pièce pour débuter, la pièce Shara Bree. Ensuite, un deuxième extrait de l'album de Isildur's Bane et Peter Hamill. Vous connaissez ce groupe suédois. Pardon, ce groupe suédois. Isildur's Bane, ils ont fait une collaboration il y a 2 ans avec Steve Hogarth, le chanteur de Marillion. Cette année, là, il y a une composition, un travail d'équipe avec Peter Hamill qui compose les paroles et qui fait le chant. Ils ont d'ailleurs présenté un spectacle pour le lancement de cet album-là au festival Genoa. Il me semble que c'est au Portugal. Donc, on aura un deuxième extrait de la pièce This Is Where de l'album de Isildur's Bane et Peter Hamill. Et également, une autre nouveauté du Royaume-Uni, c'est un groupe de Londres, la formation Lost Crowns. C'est leur premier album. Puis ça, c'est un des gros albums de cette année dans beaucoup de chroniques. C'est une offre musicale qui ferait penser, je dirais, à Regal Warm. Peut-être une ambiance un peu plus 60s, un peu. Le chant est très britannique, évidemment. C'est original, moi j'aime beaucoup ça. Every Night Something Happens, donc c'est l'album de Lost Crowns. On aura la pièce Housemaid's Knees. Mais tout d'abord, Moon Letters et Isildur's Bane et Peter Hamill. Thank you. story unfolding. Jungle drum beat, numbers repeat, river is flowing. Carry your past with you at last, wherever you go. Hey. wind is whistling around your ears. The winter landscape all a crimson. Burn those black pages that you tore out from your diary. You can't explain. The thoughts are swarming through your head. The lessons have all been read. This chapter's closing. Your dreams and memories, hopes and wishes are alive. All the strands of life combine. As in the heavens, all the stars fall into line. Past and future intertwine. Past and future intertwine. This is where we say goodbye. This is where we say goodbye. This is where formation britannique Lost Crowns. C'est de Londres. En fait, c'est comme un super groupe. Là. Il y a des musiciens de plusieurs groupes connus qui jouent dans ça. Donc, c'est l'album Every Night Something Happens. C'est sorti en début d'année, cette année, 2019. Et c'était la pièce Housemaid's Knees. Juste avant, il y avait Isildur's Bane, un groupe suédois avec Peter Hamill, qui est de la Grande-Bretagne, vous le connaissez probablement, et vous l'avez probablement reconnu, d'ailleurs sur cette pièce This Is Where, de l'album In Amazonia. Alors ça aussi, ça vient de paraître au mois de mai. Et on avait débuté avec la formation américaine Moon Letters. Ça fait déjà quelques fois là, que Michel vous en présentait, puis... c'est vraiment bon là, ça a piqué ma curiosité et, avec raison. Alors on écoutera une autre pièce de cet album-là, On the Shoreline, et puis après ça on retourne avec un paquet de nouvelles parutions pour toute l'émission avec vous jusqu'à 23h, jusqu'à minuit. CKRL. Le 19 juillet prochain, c'est l'ouverture du grand marché public de Saint-Raymond, dans la MRC de Portneuf. Avec les célèbres Foutoucours, un spectacle loufoque et interactif pour les petits et les grands. Venez rencontrer nos producteurs maraîchers et découvrir de merveilleux produits portneuvois. Rendez-vous le 19 juillet sur le parvis de l'église du centre-ville de Saint-Raymond, de 16h30 à 19h30, pour le lancement du grand marché public de Saint-Raymond. Marché festif et plaisir garanti. Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou 418-717-2222. De retour et alors on y va en musique maintenant avec Ricomandata Ricevuta Ritorno, qui est une formation italienne qui avait fait paraître un seul album en 1972 et puis qui ont fait un retour en 2010 et puis là sont de retour en 2019 bon quand même là ils se rapprochent là un peu dans leur délai. C'est l'album In Rock. C'est un album en deux parties, je dirais. La première partie, c'est des pièces originales. La deuxième partie, c'est des reprises. Il y a même une reprise d'une pièce de Ozzy Osbourne sur cet album-là, In Rock. La pochette, je la trouve absolument horrible. Mais disons que la pièce que j'ai choisie pour vous, moi, je la trouve très bonne. Il Momento Supremo. Ça sera suivi de la formation de Samurai of Prague, une formation internationale. C'est leur nouvel album, Toki no Kaze. On aura la pièce Zero, sur laquelle il y a un guitariste de la Finlande, Kari Rishimaki. On a aussi le claviériste Alessandro Di Benedetti. Alors, il y a toujours des invités là, sur chacune des pièces là, des Samurai of Prague, en plus des trois membres principaux. Donc, on aura cette pièce-là. On aura également une pièce de Steve Hackett, de son album paru cette année, At the Edge of Light. Pourquoi? Parce que Steve Hackett va être en spectacle en septembre. Et donc, on aura la pièce Beasts in Our Time. Et également The Aristocrats, qui est une formation, un trio, un power trio. Ils vont être en spectacle le 30 juillet prochain au d'Auteuil, au bar d'Auteuil. Donc, The Aristocrats, c'est Guthrie Govan à la guitare, Brian Better à la basse et Marco Minman au drum. Et donc, c'est leur quatrième album, l'album You Know What. On aura la pièce Tremble a Lizard, Terrible Lizard, voilà. Mais tout d'abord, Ricomandata Ricevuta Ritorno. Thank you. c'è la vita che se ne va. E quel ritratto era tanto tempo fa. E quella sedia che mi sopravviverà. E c'è una calma come fosse una pietà. We'll be right back.

CKRL 89.1. L'année quasi présente Seb's Music Shop de Sébastien Plante, chanteur du groupe Les Respectables. Accompagné de son drum de style New Orleans et de ses guitares, il revisite ses différentes influences musicales. Step the Music Shop en solo, le samedi 14 septembre, à la Ninkasi dès 21h. 20$ en pré-vente, 25$ à l'entrée. Billets disponibles à la Ninkasi ou via lepointdevente.com. Ninkasi.ca, 18 ans et plus. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. De retour pour Terra Incognita sur les ondes de CKRL. Et c'était le groupe The Aristocrats qui a joué juste avant la pause à la pièce Terrible Lizard. Les Aristocrats qui seront en spectacle là, donc le 30 juillet prochain au Bar Le Dauteuil à Québec. Juste avant, il y avait Steve Hackett. Steve Hackett qui sera à Québec le 19 septembre au Grand Théâtre, tiré de son plus récent album. On avait eu The Samurai of Prague et Ricevuta Ritorno. Recomandata Ricevuta Ritorno. Alors maintenant, on va faire un tour avec trois nouveautés là, qui sont sorties au mois d'avril-mai. La première, c'est Great White Nothing, un groupe américain. C'est leur premier album. Ils sont d'Atlanta, en Géorgie. Et c'est l'album The View from Olympus. Et il y a beaucoup d'accents folk, mais aussi très prog dans cet album-là. Il faut s'habituer au thème de voix là, du chanteur, à son style de chant. On pourrait penser un peu des références à Fish là, dans les premiers albums de Marillion, si on veut. Ensuite, on suivra avec le nouvel album de Finistère 25, qui est le réenregistrement de leur premier album, qui est vraiment excellent, la pièce Sin, un album que j'adore et je suis très content de les avoir vus en spectacle. J'ai adoré ce spectacle-là. récemment au Festival Terra Incognita. Et au mois de mai, justement. Et également une formation de l'Allemagne, un groupe plutôt rock psychédélique, prog psychédélique, beaucoup de bons jams. Welcome Inside the Brain, c'est le nom du groupe. Et c'est leur premier album, deuxième album, voilà. Et l'album Queen of the Day Flies. La Queen of the Day est montrée sur la pochette là, comme une espèce de mouche, là, si on veut, un insecte. En tout cas, c'est assez spécial comme pochette. Welcome Inside the Brain, deuxième album. Donc, Great White Nothing des États-Unis, ensuite Finistère de l'Italie et de l'Allemagne. Welcome Inside the Brain. Cast the blame. We'll try ourselves to fall 600, but I don't think they'll know I'm in anything. Still waiting for anything to hear here when we're through. I hope they build a shining monument and engrave it. Don't let it be you. Don't let it be you. Whoa. chez KRL. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Les sessions de La Fabrique présentent Cristobal Valence. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Cet été, sortez au cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville. Dès le 2 juillet, voyez Spider-Man Loin des siens, Menteur le 10 juillet, Le Roi Lion le 19 juillet et Il était une fois à Hollywood dès le 26 juillet. Économisez grâce à la carte AbonneClap, disponible dans nos deux succursales de Sainte-Foy et Loretteville et en ligne. Bon cinéma! De retour, ce qu'on a entendu juste avant la pause, le groupe italien Finistère, tiré de, du réenregistrement de leur premier album, là, ça vient de sortir cette année. Et c'est tout simplement Finistère 25, et c'était la pièce Sin. Et on avait débuté avec Great Wide Nothing, un groupe des États-Unis, un nouvel album, l'album The View from Olympus. Alors, voilà. Allez faire un tour sur notre site pour voir le détail en fait de ce qu'on fait jouer et accéder à nos podcasts. Alors on y va en musique comme je le disais avec Welcome Inside the Brain là, de l'Allemagne. On aura également du Curse Pink puisque il y a une entrevue avec dans le magazine. Ben, c'est pas le magazine en fait, le livre sur le rock progressif norvégien que Michel a écrit. Il y a une compilation sur ça, puis il y a des entrevues avec les groupes et on y parle du nouvel album de Curse Pink. Là, il est pas paru encore, mais il devrait paraître en 2019. Alors on a bien hâte d'écouter ça, puis on aura une pièce justement de Curse Pink tirée de leur plus récent là, à ce jour qui date de 2013, Mystic Spirit, la pièce Earth to Earth. On aura également la formation Galahad, G-A-L-A-A-D, en fait, ne pas confondre avec la formation du Royaume-Uni qu'on connaît. Plus, je dirais, parce qu'eux sont de la Suisse, et c'est leur plus récent album Frater, F-R-A-T-3-R. Ils ont trois albums. Hein. La première fois, il y a eu un album des années 90-92. Ils se sont séparés. Puis ensuite, 92 et 96, ouais, ils se sont séparés après ça. Puis reformés en 2016. Donc, leur nouvel album paru en 2019, Frater, Galahad. Et donc, on y va en musique. Welcome Inside the Brain, Curse Pink, Galahad.

échange un pouvoir sur terre dont vous n'aurez pas le nom. Ils s'étreignent ainsi, psychotropes, antisociales, effet garanti. À l'ordre de mon époque, à cette conscience si droite qui modélise nos âmes, je déclare la guerre. Les armes et les pierres, dans la nature où tout est vert, je sens la lutte au fond de moi, qui devrait cesser, je crois. C'est dur de s'enraciner dans le sol dur de notre terre, ça semble dur d'avoir. Je suis stone de vivre d'une ivresse qui rend sage. Vous excuserez de la cage, je vous ai pas invité. Je suis stone de vivre quand l'heure est arrivée de partir enfumé après avoir porté de lourds bagages. Le long des âges, je te contemple, humanité. La formation suisse Galad, tirée de leur plus récent album Frater. Donc, c'était la pièce Stone qui terminait l'émission. On avait eu juste avant la formation norvégienne Curse Pink, et tirée de Mystic Spirit. Alors, c'était Bruno à la mise en onde, Bruno Côté, Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Et restez des nôtres puisque ça va être l'émission L'Autoroute dans quelques instants avec Jacques Dulac. Alors, passez une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Terra Incognita. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est Démentiellement Vôtre à CKRL 89.1. Ici Jessie Caleb. Du 4 au 14 juillet, je vous donne rendez-vous au bar Le Sacrilège pour l'émission Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec. De 15h30 à 17h30, je recevrai les artistes du festival en entrevue et mon équipe de chroniqueurs vous livrera ses suggestions et critiques de spectacle. Que le spectacle continue. Rejoignez-nous au 447 rue Saint-Jean. Sortie culturelle, c'est votre rendez-vous avec les artistes du Festival d'été de Québec à CKRL 89.1. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Cinévoyage présente Guadeloupe, l'île Papillon, Le dernier homme noir de San Francisco, Menteur, Le Roi Lion et Yesterday. Et au Clap Loretteville, Cinévoyage présente Polynésie française, Le dernier homme noir de San Francisco, Menteur, Le Roi Lion et Stubert. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma! Cet été, sortez au cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville. Dès le 2 juillet, voyez Spider-Man, Loin des siens, Menteur, le 10 juillet, Le Roi Lion, le 19 juillet et Il était une fois à Hollywood, dès le 26 juillet. Économisez grâce à la carte Abonne Clap, disponible dans nos deux succursales de Sainte-Foy et Loretteville et en ligne. Bon cinéma! La terrasse de la Korrigan a fait peau neuve. Venez découvrir la version améliorée de cet îlot de fraîcheur en plein cœur du quartier Saint-Roch. En journée, pour le 5 à 7 ou pour profiter des longues soirées estivales, la terrasse de la Korrigan est un incontournable. En famille ou entre amis, venez déguster une bonne bière artisanale et manger un de nos plats concoctés avec des produits frais et locaux. Tout ça au soleil et entouré de verdure. La Korrigan, 380 rue Dorchester, accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph. Faites la découverte d'une fête foraine artistique extraordinaire. Du 11 au 16 juillet, c'est le grand retour d'Humanorium, l'étrange fête foraine. Co-commissariée par Ève Cadieu et Vincent Roy, cette exposition itinérante sous roulotte et chapiteau regroupe les œuvres d'une douzaine d'artistes et collectifs en arts visuels et multidisciplinaires qui posent un regard sur l'être humain dans toute sa beauté et ses multiples failles. Inspiré de la tradition des 19e et 20e siècles, Humanorium est un rassemblement en plein air, original et gratuit, où les différentes attractions saisissantes vous feront vivre des émotions fortes. Humanorium, du 11 au 16 juillet, à L'Île-aux-Fleuries à Québec, sous les bretelles de l'autoroute Dufresne-Montmorency, et à Trois-Rivières, dans le parc Champlain, du 25 au 30 juillet 2019. Toutes les informations sont disponibles sur humanorium.com. Cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque. Well, I sort of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again.